Les grandes séries. Ici Stéphane Garneau. Tous les vendredis, je vous invite à prendre le temps d'explorer certains sujets plus en profondeur à l'aide d'archives et de témoignages soigneusement choisis. Aujourd'hui, nous entamons la diffusion d'une édition spéciale de l'émission Aujourd'hui l'Histoire, qui propose de raconter l'histoire du cinéma en survolant les années 50, 60, 70, 80 et 90. Au cours des cinq prochaines semaines, les invités de Jacques Beauchamp vont discuter de sujets aussi variés que Marlon Brando, James Bond, La Nouvelle Vague, Star Wars, Woody Allen, Jean-Claude Lauzon ou encore le film Titanic. Ce premier épisode se concentre sur les années 50 avec le néo-réalisme italien, Aurore l'enfant martyr et les acteurs Marlon Brando et James Dean. Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les années 50 au cinéma. Moi, je pense que le perfecto de Marlon Brando, la moue boudeuse de Jimmy Dean et les hanches d'Elvis Presley ont secoué l'Amérique dans ce qu'elle avait de plus profond et de plus intime dans les années 50. Oui. Ces trois figures mythiques dont parle l'auteur Philippe Besson à l'émission La librairie francophone en janvier 2015 incarnent parfaitement l'éveil de la jeunesse américaine des années 50 aux États-Unis, une jeunesse qui étouffe dans cette Amérique prospère mais encore très conservatrice de l'après-guerre. Les années 50 au cinéma américain, ce seront donc les années de Dean et Brando, celle d'Hitchcock aussi, celle encore du classique Chantons sous la pluie, et on pourrait continuer comme ça longtemps encore. En Europe, les Italiens vont ouvrir la décennie avec le néo-réalisme, tandis que les Français vont la fermer avec la Nouvelle Vague. Deux petites révolutions dans l'histoire du cinéma. Et pendant ce temps, le Québec sera, lui, secoué d'émotion devant l'horreur subie par la petite aurore, l'enfant martyr. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Chantons sous la pluie, la célèbre chanson tirée du non moins célèbre film, notre clin d'œil en musique aux années 50 au grand écran. Au cours de l'heure qui vient, on va évoquer, et je dis bien évoquer, cette décennie des années 50 au cinéma, parce que c'est en une heure impossible de faire une analyse exhaustive, une description exhaustive de ce qui a marqué la décennie des années 50 au cinéma. Pour m'accompagner, donc on a fait des choix, vous allez le comprendre au cours de l'émission, pour m'accompagner dans cette passionnante aventure, trois invités, le chroniqueur cinéma Michel Coulombe, avec qui on va parler des figures incontournables de James Dean et Marlon Brando. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour. André Lavoie, avec qui Critique au devoir, avec qui on va parler d'Aurore, la petite Aurore, l'enfant martyr. André Lavoie, bonjour. Bonjour, Jacques. Et Carlo Mandolini, qui est professeur et coordonnateur du programme Arts, Lettres et Communication au Collège André Grasset, qui va nous rappeler l'importance qu'a eu le néo-réalisme italien dans l'histoire du cinéma. Monsieur Mandolini, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Premier tour de piste avec vous trois. Qu'est-ce qui tout de suite vous vient en tête? Qu'est-ce que ça évoque, cette décennie des années 50, au cinéma pour vous? Michel Coulombe. Je pense au cinéma américain qui, dans les années 50, est un géant au pied d'argile. Dans les années 30-40, les gens allaient 3-4 fois par semaine au cinéma. L'arrivée de la télévision va ébranler, effectivement, Hollywood et le cinéma un peu partout dans le monde, de sorte qu'on fera toutes sortes de choses pour ramener le public, le retenir en tout cas. Il y aura la 3D, on pense que c'est récent, mais la 3D connaîtra un essor incroyable au début des années 50. Il y aura le cinémascope, il y aura ces films à grand déploiement, tout ça pour essayer de garder le public qui effectivement trouve que, bon, dans son salon, c'est aussi très bien. Donc un cinéma en crise Un cinéma en crise, en pleine recherche d'une identité nouvelle, ébranlée aux États-Unis par le mécartisme aussi, ébranlé parce que la verticalité a été mise à mal, c'est-à-dire que la loi antitrust aux États-Unis a interdit aux studios de tout posséder, c'est-à-dire produire des films, les distribuer et posséder également les salles. Tout ça s'est passé à la fin des années 40, donc on recherche un nouveau modèle. André Lavoie, les années 50 pour vous au cinéma? cinéma, qu'est-ce que ça évoque? Bien, pour moi, ça évoque la renaissance du cinéma européen sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Le cinéma européen se remet difficilement de toute la destruction que les pays ont subie au cours de ces années-là. Et le cinéma européen renaît sur des cendres, sur pas grand-chose. Et c'est cette désolation-là que les cinéastes vont évoquer, particulièrement les cinéastes italiens et les cinéastes français. Et cette décennie-là sera la décennie de la reconstruction. Et ça va amener de nouveaux mouvements, de nouveaux styles, de nouveaux cinéastes qui seront assoiffés, par exemple, de cinéma américain qu'ils n'auront pas vu pendant des années. Ils vont s'imprégner de ce qu'ils vont découvrir, mais de manière excessive, parce qu'ils ont été privés de films américains pendant des années, et ils vont être influencés par ces films-là, mais ils vont aussi poser un regard sur leur société qui va être unique. Mais je pense que là-dedans, c'est vraiment la France et l'Italie qui sont, je dirais, les grands gagnants de cette renaissance-là. Carlo Mandolini, comment la résumez-vous, cette décennie des années 50 au cinéma? En quelques mots, c'est Bergman, Tati, Fellini, c'est Antonioni, Hitchcock, Mizoguchi. Donc, toute une génération de cinéastes qui sont venus forger l'imaginaire des cinéphiles. Et je dirais surtout que c'est un cinéma qui me semble, pour lequel ces maîtres du cinéma ont une maîtrise presque absolue du langage cinématographique, une audace formelle très, très grande qui va partir de ce qui avait été fait auparavant, mais qui va donner un tremplin extraordinaire au cinéma à venir. Décennie de la Renaissance? Je dirais aussi, peut-être. On peut le voir sous cet angle-là, oui. You're tearing me apart! What? You say one thing, he says another, and everybody changes back again! Trois films ont suffi à créer le mythe James Dean. East of Eden, Rebel Without a Cause, Giant. Le héros n'avait pas 25 ans lorsqu'il se tua au volant de sa nouvelle Porsche. Quoi qu'il en soit, James Dean est un mythe ambivalent, de façon presque parfaite, dirait-on. Pour les jeunes rebelles sans cause, il fournissait le sentiment, sinon d'identification, du moins d'appartenance. Mais pour les toutes jeunes filles, il n'était que la dernière mouture de l'éternel Don Juan. Is this what it's like to love somebody? I don't know. What kind of a person do you think a girl wants? A man? Yes. But a man who can be gentle and sweet. Yeah. Like you are. Sur un extrait du film Rebel Without a Cause, La fureur de vivre en français, vous entendiez Denise Gagnon à l'émission Mythes et monstres sacrés en 1967. Parler de James Dean, ça conduit fatalement, j'allais dire, Michel Coulombe, à parler de Marlon Brando. On les associe toujours, ces deux-là. Ils sont toujours présentés l'un et l'autre à la fois. Pourquoi ils sont si importants, si emblématiques, James Dean, Marlon Brando, du cinéma américain des années 50? Ils représentent une nouvelle façon de jouer qu'on associe à la méthode, mais ce n'est pas que la méthode. D'ailleurs, Brando détestait cette idée de la méthode, mais c'est Stella Adler, Lee Strasberg, Elia Kazan qui ont forgé une nouvelle génération de comédiens. Marilyn Monroe, par exemple, a aussi fréquenté ces ateliers où on se sert de ce que l'on est, où on vit l'instant présent, où on ne fait pas que rendre un texte de façon classique comme on le ferait au théâtre. Brando sera le premier et effectivement marquera la révolution. Et il faut dire de James Dean qu'il avait conçu une obsession à l'égard de Brando, de sorte qu'il s'habillait comme lui, il jouait des bongos comme lui, de la flûte, il portait donc exactement les mêmes vêtements, mais il voulait aussi mener son mode de vie et jouer comme lui. Donc, en tout, il est effectivement l'héritier de Marlon Brando. Il y en aura, puis on en parlera dans quelques minutes, mais il y en aura quelques autres. Brando, c'est un soleil lumineux dans le ciel hollywoodien. Là, il va inspirer tout un tas d'acteurs, Dean au premier chef, puis mais toute une trolley. Mais Montgomery Clift, par exemple, il est arrivé à James Dean de signer une lettre « Jim Brando Clift Dean ». Ça, c'est dire à quel point pour lui il était dans cet héritage. Il appelait et Montgomery Clift et Marlon Brando régulièrement, ne serait-ce que pour entendre leur voix. Ouais. C'est vous dire l'obsession. Brando et Dean, évidemment, arrivent dans ce paysage cinématographique américain au début des années 50. Pas pour rien, c'est pas un hasard. Pour bien comprendre l'importance qu'ils auront, la marque qu'ils laisseront sur la société américaine au-delà du cinéma américain, il faut se souvenir, je pense, du contexte social des années 50 aux États-Unis. Je vous propose d'écouter à ce propos l'historien Paul Chantraine. Il parle de tout ça au micro de Robert Blondin à l'émission L'Aventure du 23 mai 1995. Les années 50 qui sont peut-être les années les plus désastreuses de notre siècle. Les années les plus drabes, les années les plus calamiteuses aussi, parce qu'on n'avait qu'une notion, c'était le progrès. On ne pensait même pas à ce que le progrès pouvait apporter de nocif. C'était le conformisme banlieusard, l'acceptation des valeurs conservatrices et puritaines. C'était le triomphe du macartisme. Et ça a provoqué chez les jeunes américains un haut-le-cœur extraordinaire qui s'est traduit par le jean. Et la figure héraldique de cette révolte, c'est James Dean. Dans la fureur de vivre, la première partie, avant la bagarre qui le révolte, il est en pantalon noir d'étudiant rangé. Et on le voit, là, il passe les jeans de la révolte. Et là, il sombre dans toutes sortes d'abus, trafic d'héroïne et tout ça. Et on le retrouve aussi, quand vous parliez de rébellion américaine des années 50, ce film qui s'appelait Rebel Without a Cause. Oui, qui est La Fureur de Vivre. Qui est La Fureur de Vivre, mais le titre anglais en dit long, parce que c'est comme si on pouvait être rebelle sans raison véritable, without a cause. Ben ouais. Et ça, c'est beaucoup ce qui se passait dans les années 50. On ne voulait pas voir les choses. On disait, il y a rébellion chez les jeunes, mais on ne veut surtout pas savoir pourquoi. Without a cause. C'est dans ce contexte qu'on vient d'entendre, dont parlait Paul Chantraine à Robert Blondin, que James Dean et Marlon Brando émergent. Et ça participe, ce contexte-là, Michel Coulombe, à l'impact énorme qu'ils vont avoir sur cette Amérique conservatrice encore à ce moment-là. Oui, absolument. Et James Dean représente cette idée nouvelle, inventée de la jeunesse. Ouais. C'est-à-dire que les teenagers, avant les années 40, c'était pas une génération, c'était pas une force. Aujourd'hui, on distingue les générations, il y a les milléniaux, il y avait les X, les Y, on découpe tout ça. Bon, avant, on devenait un adulte, on portait une cravate, un veston et tout, on était très formaté. Là, il y a effectivement cette jeunesse, jeans, t-shirt. Dans le cas de La Fureur de Vivre, c'est amusant parce que le film a été tourné tout de suite après À l'Est d'Éden, qui venait de sortir. On a commencé à sortir, à tourner le film en noir et blanc. Et on s'est rendu compte que James Dean devenait quelqu'un et donc on a recommencé le tournage, on l'a repris, cette fois-là en couleur, ce qui a permis de remplacer le perfecto noir par un blouson rouge qui va devenir vraiment l'image de marque de ce que sera effectivement James Dean, puisqu'il a fait trois films dans lesquels il a un rôle important, des petits films aussi, mais un seul de ces films était sorti à sa mort, c'est À l'Est d'Éden. Donc il sera cette incarnation du teenager révolté et les deux premiers films qu'il fera seront littéralement des reflets de son propre rapport à son père, qui est un rapport extrêmement difficile, de cette révolte qu'il portait. C'est quelqu'un qui était très instable sur les plateaux, qui avait besoin de beaucoup d'encadrement et qui faisait des choses insensées pour se faire remarquer, pour se faire aimer. Une jeunesse qui a besoin de crier sa différence, son existence. Qu'est-ce qu'il incarne? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, par exemple, André Lavoie? Ces deux-là, on parle de James Dean et Dean et Brando. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ben, ça évoque un immense sentiment de liberté. J'ai eu le grand bonheur de lire la biographie d'Elia Kazan qui parle en long et en large de ces deux acteurs-là. Et il les décrit dans tout leur génie, mais également dans toutes leurs errances, toute leur indiscipline dont Michel parlait. Et elle était dans les deux cas très grande. Mais ils avaient un ton, une manière, un désir de s'affranchir de beaucoup de choses, mais c'est sûr que pour moi, ça reste quand même des acteurs avec un jeu particulièrement maniéré, pas toujours très senti, beaucoup plus spectaculaire qu'habité. Oui. Est-ce qu'ils sont, Carlo Mandolini, qu'est-ce qu'ils évoquent pour vous? Puis j'allais dire, est-ce qu'ils sont pareils aussi à des différences importantes, majeures entre... Parce que c'est vrai qu'on les associe spontanément l'un et l'autre, mais de quelle manière sont-ils semblables et de quelle manière sont-ils différents, James Dean et Marlon Brando? J'ai l'impression que Dean, évidemment, sont deux corps, deux attitudes, deux façons d'être à la caméra. Mais pour moi, Dean, c'est une énergie très forte, mais souvent, on a l'impression à peine contenue, qu'il y a de la difficulté à se contenir. Et parfois, j'ai l'impression, en voyant ces films, que c'est comme s'il ne voulait pas être vu par la caméra. C'est comme s'il fuyait, il se fuyait lui-même, il fuyait les autres. Il se cache souvent, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et il fuit la caméra également. Pour Brando, bon, évidemment, c'est plus assumé, c'est une présence plus forte, plus physique, très érotique, très sensuelle. J'allais dire peut-être exhibitionniste. Probablement exhibitionniste. Et j'ai l'impression aussi, Brando me fait toujours un peu penser à ces statues grecques, le kouros classique grec en début de carrière, l'Apollon du Belvédère ou le disco ball, très en contrôle de son corps. Et plus sa carrière avance, plus je le vois un peu comme ce courroux hellénistique, le Laocoon, j'aime bien l'imaginer comme ce personnage déjà qui sombre un petit peu plus. Et puisqu'on vient, ce qu'on a appris tout récemment à propos du tournage du dernier tango à Paris et le traitement qu'ils ont fait subir lui et Bertolucci à la pauvre Maria Schneider, là j'ai l'impression que le mythe s'écroule encore plus. Ouais. Parler de Maria Schneider, on a décidé pour illustrer cette décennie des années 50 de nous attaquer à ces deux icônes masculines que sont James Dean et Marlon Brando. Mais on aurait pu choisir Michel Coulombe, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. Comment ça se compare? Quand on compare, par exemple, une Marilyn ou un Audrey Hepburn avec un James Dean et un Marlon Brando? Bien, déjà, Audrey Hepburn, c'est un peu différent, mais Marilyn Monroe, c'est la sensualité féminine, comme Marlon Brando sera l'animalité, le magnétisme, la sensualité masculine. Ouais. Hein, ils vont, tous les deux, d'ailleurs, ils seront amants pendant un certain temps, mais ils sont cette nouvelle figure, effectivement, des corps américains. Donc, c'est assez semblable de ce côté-là, et des personnalités instables. On le sait, sur les tournages, Marlon Brando va devenir de plus en plus difficile. Marilyn restait là, figée, à l'extérieur du plateau, incapable de faire trois pas, parce que, elle était tétanisée. C'est quelque chose qu'elle trouvait très difficile. Après, ce qui se passait à l'écran était toujours fabuleux, parce que c'était quelqu'un qui avait ça, cette photogénie, et puis cette intelligence de ce qu'est le cinéma. Mais on les aime pour la même chose. La beauté, par exemple, est-ce que ça va... Chez Brando, c'est déterminant. Ouais. Et ce le sera dès le début. Il faut dire que un tramway nommé Désir va créer ça comme personnage, son Kowalski, quand il va jouer au théâtre dans les années 40. Il va reprendre ce rôle-là au cinéma. Et là, ce sera tellement puissant qu'on ne peut pas y échapper. Mais c'est sa façon de jouer aussi. Sa façon de jouer, c'est son premier film, c'était Des Hommes, pour lequel il doit jouer donc un paraplégique. Et donc, il va se rendre, et ça ne se faisait pas à l'époque, il va se rendre dans un hôpital de vétérans, il va passer un mois en chaise roulante avec les autres vétérans, ne sortant jamais de ce rôle-là, parce que pour lui, il fallait incarner les choses. Mm-hmm. Bien sûr, on a vu ça des tas de fois depuis. Mais lui, il innovait de ce côté-là. Il voulait que ce soit vrai. Bon, après, avec la distance, peut-être qu'on peut trouver ça effectivement maniéré à certains égards. Et ça, c'est toute l'école de l'Actor Studio qui va commencer avec, entre autres, Brando. Sur le jeu, justement, de Brando, sur ce style dont vous parlez, Michel Coulombe, je vous propose d'écouter le critique de cinéma Robert Benayoun à l'émission Portrait, en 1976. Il n'a jamais rien appris dans les écoles. Finalement, il s'est forgé un jeu tout seul à travers... il a eu des professeurs comme Stella Adler et puis par la suite Elia Kazan, mais qui tous admettent ne lui avoir rien appris réellement ou rien imposé. C'est quelqu'un qui a toujours eu son idée. C'est l'individualiste total. Il a toujours su ce qu'il allait faire et qu'il allait le faire de sa manière à lui. Par exemple, il a toujours refusé tous les cours de diction. Et comme vous savez, il a eu beaucoup de mal à imposer cette diction qu'il avait, qui était mauvaise. Et bon, alors il arrivait avec des t-shirts, trop pratiquement en savate. Il n'avait jamais de souliers, n'est-ce pas? Et oui, c'est un t-shirt déchiré ou trop petit, en effet, qui lui collait à la peau. Et il était comme ça. Et aussi bien à New York, quand il venait se présenter dans des cours d'art dramatique, qu'à Hollywood, quand il a débarqué déjà célèbre, c'est le personnage qui a absolument refusé de s'habiller, toujours. Donc, il a été le premier, d'ailleurs, de ces acteurs à blue jeans qui l'ont copié par la suite, comme James Dean ou Paul Newman ou bien d'autres, ou Steve McQueen. Tous étaient ont pris comme modèle Marlon Brando. Now listen, you don't go any one special place. That's cornball style. You just go. A bunch gets together after all week. It builds up. The idea is to have a ball. Now, if you're gonna stay cool, you got to wail. You got to put something down. You got to make some jive. Don't you know what I'm talking about? Marlon Brando dans le film The Wild One, l'équipé sauvage en français, sacré acteur. Vous nous en parliez, une tête forte, Marlon Brando, Michel Coulombe, sur les plateaux de tournage, il fait la pluie le beau temps. En même temps, il dit comprendre ses personnages. On parlait tout à l'heure de vêtements. Le bel exemple, c'est un tramway nommé Désir. Il arrive sur le plateau, on lui dit, voilà, le costumier a quelque chose à vous proposer, un complet, des souliers chics. Et il dit, mais c'est pas ça, Kowalski. C'est vraiment pas ça. Alors, oui, il va vers le T-shirt, il va vers les jeans, il propose autre chose parce qu'il devait sentir les personnages. Après, par caprice, donc. c'est aussi capricieux au sens où avant, il y avait une autorité, c'est-à-dire un réalisateur qui menait des acteurs qui disaient « je vais vous le faire comme ci, je vais vous le faire comme ça ». Mais dans son cas, c'est aussi de l'invention. Ouais. Alors, il fallait des acteurs face à lui qui soient capables d'improviser aussi. Quand il travaille avec Eva Marie Saint sur les quais, ben, elle échappe par hasard un gant. C'est pas quelque chose qui était scripté, c'est-à-dire, c'est bon, comme ça, une chose qui se produit. Et il improvise à partir de ça. Il ramasse le gant, il joue avec, il le porte et il fait quelque chose à quoi bien des acteurs ne sauraient pas réagir. Donc, il fallait, face à lui, être capable de composer avec la bête. Ouais. Il a été, vous le disiez, Michel, il a été imité par la suite, par James Dean d'abord, mais par plein d'autres acteurs. Pourquoi Marlon Brando devient un tel modèle à suivre, André Lavoie? Ben, de mon point de vue, c'est pas tant Brando qu'on imite qu'un style qui est l'acteur studio, justement. Ouais. Ça, c'est sûr que beaucoup d'acteurs rêvaient d'avoir la stature et la notoriété de Brando à cette époque-là et par la suite de refaire un peu ce même type de carrière et avoir ce même type de présence à l'écran. Mais je pense que fondamentalement, chez les acteurs américains, ce qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué le jeu des acteurs américains et cette idée fantasmatique de reproduire justement ce que Marlon Brando faisait, ce sont les méthodes de l'acteur studio. Et en bien et en mal, parce qu'il y a eu aussi des choses, il y a eu quelques dérives, disons, par rapport à cette méthode-là qu'on peut critiquer aussi. Ça a quand même énormément marqué le style de jeu des acteurs américains. Est-ce qu'on peut, dans quelle mesure on peut comparer leur jeu? Comment est-ce qu'on parle le jeu de Brando et de Dean, pour revenir à James Dean, Michel Coulomb? L'ennui avec James Dean, comme il a fait que 3 films, dont 2 films qui sont à peu près sa vie, donc un fils face à son père, l'autorité, tout ça, bon, c'est que c'est une image James Dean, beaucoup plus qu'une carrière. C'est une image que Dennis Stock, qui a fait une série de photos avec lui pour le magazine Life, qui ont été vendues à Life, va définir. Il est allé avec lui à Fairmont, d'où il venait. Il fait des photos, dont une photo dans une série de photos dans un cercueil qui vont effectivement devenir après comme vraiment une révélation de ce qui était peut-être son destin. Des photos de lui à New York sur Times Square où on voit toute sa fragilité, tout ce qui avait tourmenté chez lui, alors que Brando, quand même, une palette beaucoup plus large. On le verra à la fin de sa carrière. Bon, il a doublé de poids, c'est déjà ça. Ouais. Mais même dans les années 50, il va jouer Zapata dans Viva Zapata. Il va jouer Marc Aurèle dans Jules César. Il va jouer Napoléon. Donc, dès qu'il va sentir que ce corset est un peu étroit, celui de l'homme viril, animal, magnétique qu'on lui propose, il va aller vers autre chose. Bon, avec des résultats variables, bien sûr, mais ce sera véritablement un acteur. Et il faut dire que de très nombreux acteurs américains contemporains le donne comme le meilleur acteur au monde. Ouais. Donc, il demeure pour eux, effectivement, une référence, quelque chose d'assez unique, parce qu'il a ouvert des portes. Après, tout le monde n'entre pas dans la pièce de la même façon. Ça, c'est autre chose. Mais il a ouvert des portes. Ouais. L'héritage, on est déjà là. En fait, vous parlez de certains acteurs qui s'en réclament. Et ramenons James Dean, on l'a un petit peu éclipsé. En même temps que aujourd'hui, bon, Brando est une légende, est un grand acteur parce qu'il a vécu beaucoup. Dean, c'est un mythe. Un petit mot là-dessus quand même, sur le poids qu'a eu sa mort dans la reconnaissance et dans ce qu'il est devenu. Mourir jeune, c'est extraordinaire quand même, quand on a un début de célébrité. Donc, c'est vraiment ce qui lui est arrivé, en plus de façon sensationnelle. Il aimait la voiture, il faisait de la course automobile et il va mourir au volant de sa Porsche. Bon, après, toutes les théories possibles sur le complot, etc. Bon, tout ça va effectivement entourer sa mort. Donc, il y a, comme dans le cas de Marilyn, quelque chose de mystérieux qu'on veut nourrir au fil des générations. Par ailleurs, ce sera une image. Je vous disais, les photographies vont y contribuer beaucoup. La jeunesse et puis ce moment charnière où il arrive, c'est-à-dire cette définition d'un teenager américain mal dans sa peau, en rupture avec l'autorité, il va incarner ça. Et pendant donc que James Dean et Marlon Brando font l'appui et le beau temps à Hollywood dans les années 50, où en est le cinéma québécois à ce moment-là? T'as parlé, toi? Non. Menteuse. T'as parlé, que je te dis? Non. Qu'est-ce que t'as dit? Dis-le-moi. Je veux le savoir. La vérité. La vérité! Tu ne parleras plus jamais. Je vais te brûler la langue. Ceci dit, moi, je suis un admirateur absolu du film d'horreur L'Enfant martyr, que je trouve un chef-d'œuvre absolu. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre cinématographique qui traduit merveilleusement bien notre époque. Il y a également un plaisir esthétique qu'on peut se permettre, parce qu'il existe 2 versions. Il existe la version québécoise, il existe une version doublée française. C'est un régal. C'est un régal de voir Hors l'enfant martyr en français. C'est de toute beauté. Mange le même savon. Puis, mais... comme c'est un... il y a une chose que je me suis jamais permis, un plaisir que je me suis jamais permis. Il faut savoir aussi qu'Hors l'enfant martyr a été un très, très grand succès de box-office au Japon. Et j'aurais aimé ça un jour. Notre version québécoise. J'aimerais ça un jour pouvoir voir la version japonaise. Non, non. Aïe, aïe! Non, non. Ça aurait été merveilleux. Non. De dire ça, c'est... mais c'est pas payé ça. L'historien et homme de théâtre Jean-Claude Germain à l'émission Avec le temps en 1984. André Lavoie, le film de Jean-Yves Bigras, Aurore l'enfant martyr, est-il un chef-d'œuvre absolu? La question est lancée. En tout cas, c'est ce qu'en pense Jean-Claude Germain. Je ne sais pas si c'est une boutade ou s'il le pense vraiment. Quoi qu'il en soit, vous, pour vous, qu'est-ce que ça représente, cet objet cinématographique, André? Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Claude Germain, mais je ne partage pas du tout son enthousiasme. Par contre, je dirais que c'est un objet assez singulier dans l'histoire du cinéma québécois. Pour moi aussi, c'est un fantasme. Oui. Je m'explique. C'est que c'est un fantasme de l'industrie naissante et très naissante du cinéma québécois. À l'époque, dans les années 50, on rêvait déjà de faire des longs-métrages de fiction. On rêvait déjà d'avoir une industrie privée du cinéma. Puis on rêvait aussi d'avoir des succès populaires et commerciaux, mm-hmm, comme les cinéastes français et les cinéastes américains en avaient au Québec. Et Aurore, c'est peut-être le premier grand succès, oui, du cinéma avec québécois. Oui, avec Ticoque de Gracien Gélina, ce sont dans les années 50 les deux plus grands succès populaires du cinéma québécois. Oui. Et pour moi, Aurore, l'enfant martyr, le film, c'est ça. C'est ce désir absolu de rejoindre les gens, ouais, d'avoir du succès et de construire sur ces succès-là une industrie privée. Ce qui ne se fera pas, mais le fantasme, lui, va rester, ouais, pendant plusieurs décennies. Et il faut dire que ce succès-là, il s'explique, indépendamment du film. Il y a une histoire qui, oui, précède l'histoire du film. Aurore, c'est une vraie histoire, c'est arrivé. Il y a une pièce de théâtre. Racontez-nous l'histoire autour de ce autour que deviendra le film. Autour de l'histoire. Mais en fait, écoutez, il y a une date à retenir, le 12 février 1920. C'est le jour où la petite Aurore Gagnon est morte à Fortierville, dans le comté de Lotbinière, près de Québec. Elle a été victime des sévices nombreux de sa belle-mère, qui s'appelait Marianne, sous les yeux impuissants de son père, Télesphore. Et donc, cette mort-là, tragique, dans un petit village, qui a donné lieu à un procès extrêmement médiatisé, a rapidement donné lieu à non pas une, mais à plusieurs pièces de théâtre, dont la plus célèbre est celle qui a été écrite par Léon Petitjean et Henri Rollin, qui a été présentée à travers le Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Angleterre pendant des décennies, plus de 5000 fois. Incroyable. Et ça l'a permis de construire le mythe, ouais, autour de cette figure tragique qui est Aurore. Et en fait, comme les sociologues de la culture le disent souvent, on parle des horizons d'attente. Lorsque surgit le film en 1952 et qu'on a comme titre « La petite Aurore, l'enfant martyr », les gens savent exactement ce qu'ils, ouais, vont voir. Et donc, ça contribue au succès du film et le bouche-à-oreille a été formidable. Et en plus aussi, lorsqu'on relit les critiques de l'époque, il y avait quand même un enthousiasme réel, même s'il y avait des notes discordantes. Il y avait quand même beaucoup de gens qui trouvaient que c'était un très bon film. Et c'est vrai que c'était une sorte de tour de force de faire ce film-là, ouais, qui a été tourné très rapidement dans Côte-des-Neiges, où il y avait un studio de cinéma, et sur l'île Bizarre pour les scènes extérieures. Ouais. Est-ce que le film, c'est le reflet fidèle de la vraie histoire? Comment ça se compare? Il y a beaucoup de différences. C'est sûr que les noms ont à peine été changés, sauf celui d'Aurore. La marâtre s'appelle Marie-Louise, le père s'appelle Théodore, les noms de famille ont été changés. Il y a moins d'enfants dans le film que, disons, dans le fait divers de l'histoire réelle. Il y avait beaucoup plus d'enfants autour de ce couple-là. Il y a bien sûr aussi toute une critique, de la société étouffante, enfin une critique, on l'a fait après coup, là, ouais, parce que c'était pas aussi songé que ça dans le scénario. Mais oui, il y avait des différences, mais en gros, cette idée d'une belle-mère qui accable sa fille, ouais, en fait, la fille de son mari, ça, la trame n'a pas beaucoup changé, mais c'est sûr qu'on n'a pas... Dans la pièce, on insistait beaucoup sur le procès, ouais, mais dans le film, ça se termine... Bon, il y a quelques scènes qui se déroulent dans le tribunal, mais ça se termine par la condamnation de la marâtre. Puis pour finir, revenir sur l'histoire autour de l'histoire du film. Il y aura un roman après le film, mm-hmm. de mémoire. Il y aura un procès, oui. de fait. Le père va poursuivre la production. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que le père ne s'est jamais manifesté pendant toutes les années où la pièce a eu un énorme succès. Il l'a même vu, cette pièce-là, et il aurait fait le commentaire suivant, c'est ça, mais c'est pas ça, en parlant du niveau de réalité que la pièce par rapport à ce qui s'était vraiment passé. Mais lorsque le film devait être présenté à l'automne 1951, c'est à ce moment-là qu'il a intenté un procès, qu'il a refusé, qu'il ne voulait pas que le film sorte. Ouais. Et ça n'a pas convaincu le juge, parce que dans le fond, le juge lui a dit, ben écoutez, ça fait des décennies qu'il y a cette pièce-là, et là, tout à coup, vous vous manifestez en disant que ça va porter ombrage à votre réputation. Et donc, le film a été retardé. Il devait sortir à l'automne 1951, mais il est sorti à l'hiver 1952. Ouais. Mais ça n'a pas empêché du tout le succès du film. Qu'est-ce que ça nous dit, ce film-là, La Petite Aurore? Vous nous l'avez dit déjà, André Lavoie, sur le plan de l'industrie du cinéma, il y avait quelque chose de significatif. Il y avait une volonté de produire un premier film à succès, et ça a marché. Mais au-delà de ça, par rapport à la société québécoise, au Québec des années 50, que nous dit le film Aurore, l'enfant martyr, sur cette société-là? Je vous propose d'écouter Denis Arcand dans un extrait de l'émission Denis Arcand, un portrait pour la radio, diffusé en 2004. Vous allez entendre Denis Arcand qui lit un passage d'un texte qu'il a écrit à l'époque. Le texte s'appelait « Cinéma et sexualité », texte qu'il avait écrit pour la revue Parti pris en 1964. Je voudrais parler ici d'Aurore l'enfant martyr. D'abord, disons qu'Aurore est une entreprise sérieuse. 35 mm, grosse caméra, lampe à arc, décor artificiel, comédien professionnel. Des milliers de dollars y ont été investis. Et il ne s'agit pas d'un film dit d'amateur tourné à la sauvette avec les moyens du bord. Le générique révèle des noms que l'on considérait autrefois à Montréal comme étant à la fine pointe du bon goût cinématographique. J'ai cru, en voyant le film, que peut-être il s'agissait là d'une œuvre cynique, un super canular, fait par des gens lucides et cruels, uniquement intéressés à s'assurer un succès financier auprès du peuple québécois. En quel cas, le succès du film serait quand même révélateur et partant son analyse valable. Mais des témoins de l'époque m'assurent qu'au contraire, tout cela a été fait par des personnes sérieuses, convaincues qu'elles travaillaient à une œuvre valable. L'hypothèse du grand guignol étant écartée, nous entrons de plein pied dans le cauchemar. L'hypothèse du grand guignol étant écartée, dit Denis Arcand dans cet extrait. Que penser de ce film-là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce cauchemar qu'évoque Denis Arcand, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le film? Est-ce que c'est la société québécoise qui le dépeint? Qu'est-ce que ça nous dit, ce film-là, sur le Québec qu'il a vu naître, André Lavoie? Bien, ça nous parle d'une société extrêmement étouffante, une société aussi où les hommes, me semble, pour l'avoir revu récemment, me semble émasculé. Je veux dire, les figures masculines dans ce film-là sont absolument lamentables, à commencer par celle du père qui regarde sa fille mourir et lui est complètement impuissant et soumis à cette femme-là, Marie-Louise, qui le domine complètement. C'est aussi un film assez pervers, je m'explique, c'est que tout le village est témoin de ce massacre, de ces traitements effroyables envers la petite Aurore. Personne ne fait rien, on jase beaucoup et le seul personnage, évidemment, tout le monde se souvient que le seul personnage, dans le fond, qui est relativement actif et empathique, c'est celui incarné par Jeannette Bertrand. Mais ce personnage-là va vraiment, vraiment être motivé à l'idée de sauver la petite Aurore parce qu'elle-même, on va lui mettre dans la tête que se marier à un homme qui a déjà des enfants, ça peut être perturbant. Et là, tout à coup, elle sent que son couple, son futur couple, va probablement être lui-même brisé. Alors, c'est ça qui la motive à sauver la petite Aurore, mais c'est pas du tout par altruisme. Ouais. Michel Coulombe, encore une fois, cet objet, est-ce qu'il nous dit sur le Québec du temps? On a appelé ça le cinéma du terroir. C'est quelques films qui sont faits des années 40 au début des années 50. Et c'est un cinéma qui pourrait se résumer par une expression qu'on connaît bien, « né pour un petit pain ». Ouais. Il y a un misérabilisme consternant dans notre œil, évidemment, d'aujourd'hui, à l'époque. C'est-à-dire que là où les Américains font des westerns, font des comédies musicales, où ça scintille, où il y a effectivement de grandes entreprises qui sont menées, des histoires d'amour, nous, au Québec, ce qu'on fait, c'est des histoires comme celle de Séraphin, avec une pauvre femme qui frotte son plancher en espérant se délivrer, mais son amour lui a été dérobé. Ouais. C'est l'histoire de Donalda. Des histoires triste comme celle du curé de village qui doit sauver la réputation d'une femme, Les Lumières de ma ville, ou dans, ouais. dans ce film-là, donc on a un homme tenté par une femme de la ville, forcément impure, une femme de la campagne, forcément bien. Vous voyez, il y a vraiment un regard très conditionné par la religion catholique ouais. où on ne doit pas s'élever. Et si les modèles masculins sont émasculés, disait André Lavoie, les modèles féminins du temps, c'est Aurore, c'est Donalda. Des victimes. Ouais. Des victimes ou des mères de famille, dans lequel cas on est sur la bonne voie. Oui, parce que non seulement elle est une victime, mais elle est pratiquement, je trouve, la petite Aurore, une victime consentante. Tout le film, elle refuse de parler, elle refuse de blâmer qui que ce soit. Et je veux dire, le film, le titre même le dit, c'est marqué sous un sceau de religiosité presque détestable. Oui. L'enfant martyr. C'est pas l'enfant martyrisé, c'est pas l'enfant blessé, c'est l'enfant martyr. Donc, elle a déjà atteint la sainteté avant même de mourir. Oui. Et ça n'en est, je vous dirais, désespérant. Ouais. Carlo Mandolini, je suis curieux de vous entendre. Je ne sais pas à quel âge est entrée Aurore dans votre vie, mais ça vous dit quoi? Assez tard. Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est le premier vrai contact entre le cinéma québécois et son public, mais ouais. un contact psychologique très fort, un choc brutal. En fait, c'est une rencontre frontale entre ce film et la réaction du public. Et on peut le voir également, bon, on en parlera peut-être, de la difficulté qu'a eu le public à faire la différence entre l'actrice et le personnage, cette ouais. pauvre actrice qui a subi les foudres. Ben, en fait, ça a surtout été difficile pour Lucie Mitchell, qui mm-hmm. faisait le rôle de Marie-Louise, la marade, parce que pour ce qui est de Yvonne Laflamme, elle était toute petite, elle avait 11 ans, mais elle incarnait une enfant de 9 ans, mais elle était toute frêle, elle était danseuse, mm-hmm. elle rêvait déjà d'être ballerine. Mm-hmm. Mais pour Lucie Mitchell, qui a joué dans la pièce, d'ailleurs, elle racontait que lorsqu'elle jouait la pièce, elle sortait par les portes arrière des salles de spectacle où elle jouait parce qu'elle se faisait littéralement agresser mm-hmm. par les spectateurs après ouais. les représentations. Ouais. Et ça l'a énormément... Je veux faire la blague, là, ça a marqué au fer rouge sa carrière, et c'est sûr qu'après, on n'a plus que vu que ouais. le personnage de la marade lorsque Lucie Mitchell apparaissait à l'écran. Une dernière question sur Aurore, André Lavoie. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de regarder ce film-là sans éclater de rire? Oui, mais je vous dirais que c'est quand même amusant de voir ce film, ne serait-ce que pour voir le chemin parcouru, pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan thématique. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, et non, je ne suis pas masochiste. Et à chaque fois, je rigole beaucoup. Et je veux rendre hommage aujourd'hui à Germaine Janel, qui est l'organiste que l'on entend dans le film. Je veux dire, elle a collaboré à ce film, ainsi qu'à un autre de mes grands coups de cœur qui s'appelle « Cœur de maman ». Michel Tremblay racontait dans son merveilleux livre « Les vues animées » que lorsqu'il a vu « Cœur de maman » pour la première fois avec l'orgue de Germaine Janel, il était convaincu que l'orgue était derrière l'écran. Ouais. Et ça, c'est absolument savoureux. Un dernier petit mot, Michel Coulombe. Oui, pour dire qu'on a refait quand même Aurore dans les années 2000. Et là, vraiment, en associant le film à une réflexion sur la maltraitance. Oui. Alors, c'est dire comment on a évolué. Et moi, je fais partie de ces personnes qui, depuis quelques années, remettent les prix Aurore. C'est vrai. Pour les pires films québécois. Donc, effectivement, on a, avec le temps, effectivement, trouvé une forme d'ironie à regarder cette chose étrange du début des années 50. Avec Infoman, les prix. Avec ouais. Infoman, oui. Et n'oublions pas que le prix Aurore, c'est un rond de poil doré. Hai mantenuto la promessa, eh? Non mi importa più di niente. Tanto lo so di che cosa sei capace. Ma non ho paura. Non hai paura, eh? Non mi importa più di niente. Non hai paura, vero? Perché mi hai denunciato? Le néoréalisme est né en pleine guerre, comme vous savez, et c'est le premier auteur qui apparaît dans les histoires, c'est Visconti. Son film Obsession, qui a été tourné en 1942, contient déjà les éléments essentiels de l'écriture néoréaliste au cinéma, c'est-à-dire le refus de tout ce qui faisait le charme du cinéma muet, la surimpression, le reflet, les déformations, les images pensées, etc. Le tournage en décor réel, le découpage souple, le dialogue souvent improvisé, le recours aux acteurs non professionnels qui tiennent souvent des rôles se rapprochant de leur propre existence. Voilà tous les éléments qui composent à peu près l'écriture néoréaliste. Non capisci? Non inventare altre storie. Sei soddisfatto di avermi denunciato, eh? Mi prenderanno e ti sarai vendicata. Non è vero? L'auteur et dramaturge historien italien Enrico Fulchignoni, qu'on vient d'entendre, et qui considère, à l'émission Le troisième quart de siècle en 1975, et qui considère donc que le film Ossessione de Luchino Visconti est le premier film du néoréalisme italien. Carlo Mandolini, on l'évoque un peu dans cet extrait, mais rappelez-nous le contexte dans lequel ce cinéma néoréaliste va naître. Qu'est-ce qu'il caractérise aussi? Le néoréalisme, c'est d'abord une attitude morale. C'est Cesare Zavattini qui sera scénariste et un des théoriciens du néoréalisme qui va se poser la question, qu'est-ce qu'on doit raconter, surtout durant la période de l'immédiate après-guerre. Mais donc, comme on vient de mentionner, ça commence dès les années 42-43. Mais disons, quand on parle vraiment du néoréalisme oui. pur, on parle des années 44-45 et suivantes. Jusqu'au début des années 50. Au tout début des années ouais. 50. C'est une période relativement courte en termes de cinématographie. Et qu'est-ce qu'on peut raconter? Quel genre de cinéma on peut vraiment faire lorsqu'on est devant une situation comme on la vit en Italie, donc après la guerre? Et donc la question que se pose Zavattini, c'est-à-dire que l'artiste a un devoir de conscience morale. Ouais. Doit donc s'attacher à des problématiques du quotidien, à des problématiques contemporaines. Et cette Italie d'après-guerre, elle est dans un état lamentable. Les studios n'ont plus de moyens de tourner les films de l'époque. De fait, où en est le cinéma italien au moment, parce que ça nous en dit beaucoup aussi sur la transition qu'il y aura avec le néoréalisme, où en est ce cinéma italien au moment où débarque le néoréalisme? Alors, depuis les années 20, avec l'arrivée du fascisme, le cinéma italien n'est déjà plus le grand cinéma qu'il était durant les années 10. Mais c'est un cinéma que l'on va qualifier du cinéma des téléphones blancs, ouais. qui est un terme péjoratif, un terme critique, pour évoquer un cinéma complètement déconnecté de la réalité. Qu'est-ce que c'est? C'est un cinéma qui, sous l'influence fasciste, va faire un cinéma où tout va bien en Italie, ouais. L'Italie est un pays moralement très droit, tout fonctionne très bien. Donc c'est toute cette idéologie très bourgeois. Très bourgeois, c'est toute cette idéologie fasciste qui va être transportée par ce cinéma. Et autour des années 40, donc les choses vont changer un tout petit peu, notamment avec Ossessione, qui va commencer d'une part par Grâce à Visconti de raconter une histoire qui est une histoire déjà adaptée d'un roman américain. Et le facteur sonne toujours deux fois. Et va raconter une histoire très glauque. C'est donc l'histoire de ce triangle amoureux. Donc ce sont deux amants. C'est une histoire très charnelle, très érotique, très passionnelle de deux amants qui décident de tuer le mari illégitime de ce triangle amoureux infernal. Donc déjà, dans un premier temps, il y a cette histoire qui a été très très mal reçue par l'Italie, par l'institution à l'époque. D'ailleurs, le film va être interdit, le film aura énormément de difficultés. Mais en plus de l'histoire, il y a toute cette volonté de raconter ce film d'une façon très froide, très descriptive, très... Visconti n'aura aucun mal à montrer certaines choses qu'on n'osait pas montrer. Ouais. Et cette volonté, donc, de témoigner de l'état de cette société d'après-guerre, c'est ça le point de départ. Quand vous disiez que c'est d'abord une position morale, on décide qu'il faut montrer cette Italie qui souffre, c'est ça un peu. S'éloigner complètement du téléphone blanc. S'éloigner complètement du téléphone blanc. Alors, on va le voir dans un premier temps... dès 1944-1945, avec le premier film qui sera officiellement considéré comme néoréaliste, c'est-à-dire Rome, ville ouverte de Rossellini. Et Rome, ville ouverte, donc c'est un film qui a été fait avec les moyens du bord, avec Rossellini a fait son film avec de la pellicule qu'il pouvait trouver à gauche et à droite, parfois de la pellicule périmée dans des conditions d'éclairage très très minimales. Donc au début du film, on le voit assez régulièrement, ça peut être assez sombre, l'image peut être plus ou moins nette, plus ou moins claire. Mais c'est cette volonté de donner la parole aussi à des gens ordinaires. Oui. Et ça rappelle, je vous écoute, en fait, il y a quelque chose peut-être, moi, qui m'a rappelé le dogme qu'on va voir arriver plus tard en Scandinavie. Donc, un cinéma de très peu de moyens. Mais quelle est la différence, en fait, entre ce qu'on voit avec le néoréalisme italien et ce cinéma qui tourne autour d'une charte de certaines idées le défi qu'on s'impose avec le dogme? En fait, comme j'ai mentionné tantôt, Zavattini a écrit sur le néoréalisme, ouais. a comme donné une poussée théorique à propos du néoréalisme. Mais le néoréalisme n'a pas de dogme en tant que tel. Mm-hmm. Donc on va retrouver différents cinéastes qui vont aborder la question du réalisme italien d'une façon un peu différente. Donc il y a Rossellini qui, lui, faisait déjà du cinéma dit de téléphone blanc sous le régime fasciste. Donc quand on regarde Rossellini, quand on regarde Rome, ville ouverte, oui, il y a des scènes très réalistes, très fortes, très crues. Mais toute la partie, et c'est probablement délibéré, toute la partie où on est avec les fascistes ou on est avec les nazis, on est dans un rapport presque plus traditionnel, presque mélodramatique par ouais. moment. Et ce n'est pas du documentaire, là. Bon, voilà, c'est ça. Ce n'est pas du documentaire. Et ça, on a trop souvent dit que le néoréalisme était un cinéma pur dans la mesure où ce n'était pas du cinéma. Et c'est un peu, André Bazin est un peu responsable, le critique André Bazin, parce que c'était un des premiers grands défenseurs du néoréalisme. Et il disait à propos du Voleur de bicyclette, un autre grand film de l'époque néoréaliste, il va dire, ah c'est parfait, plus d'acteurs, plus de scénarios, ouais, plus de cinéma, c'est le cinéma pur. Ce qui est faux quand même, parce que c'est quand même un cinéma très écrit, c'est un cinéma très bien réalisé par des réalisateurs qui savaient ce qu'ils faisaient. Ouais. Parce que le réalisme, en fait, en art, et là, qu'on pense au réalisme pictural 100 ans plus tôt, ouais, ce n'est pas une copie simple et bête de la réalité, c'est une volonté de réécrire le, ouais, réel, de trouver une façon d'écrire le réel. Vous parliez de ce film Rome, ville ouverte, qui a peut-être été, Carlo Mandolini, le premier vrai grand film néo-réaliste. Je vous propose d'écouter le réalisateur Jean-Luc Godard à propos de Rome, ville ouverte et du néo-réalisme italien, extrait de l'émission Histoire du cinéma de Jean-Luc Godard en 1988. Qu'est-ce qui fait qu'en 40-45, il n'y a pas eu de cinéma de résistance? Non qu'il n'y a pas eu de film de résistance, à droite, à gauche, ici, là. Mais le seul film, au sens de cinéma, qui a résisté à l'occupation du cinéma par l'Amérique, à une certaine manière uniforme de faire le cinéma, ce fut un film italien. Ce n'est pas par hasard. L'Italie était le pays qui s'est le moins battu, qui a beaucoup souffert, mais qui a trahi deux fois, et qui a donc souffert de ne plus avoir d'identité. Et s'il l'a retrouvée avec Rome, ville ouverte, c'est que le film était fait par des gens sans uniforme. C'est la seule fois. Les Russes ont fait des films de martyrs. Les Américains ont fait des films de publicité. Les Anglais en font ce qu'ils font toujours dans le cinéma. Rien. L'Allemagne n'avait pas de cinéma. Plus de cinéma. Tandis qu'avec Rome, ville ouverte, l'Italie a simplement reconquis le droit pour une nation de se regarder en face. Et alors est venue l'étonnante moisson du grand cinéma italien. Mais il y a une chose étrange, cependant. Comment le cinéma italien a-t-il pu devenir si grand, puisque tous, de Rossellini à Visconti, d'Antonioni à Fellini, n'enregistraient pas le son avec les images? Une seule réponse. La langue d'Ovide et Virgile, de Dante et de Leopardi, était passée dans les images. On revient au contexte dans lequel naît ce cinéma néo-réaliste italien avec cet extrait qu'on vient d'entendre de Jean-Luc Godard. Carlo Mandolini, Godard dit que ça ne pouvait naître qu'en Italie, ce cinéma-là. Pourquoi c'est fondamentalement italien? Ouais, quand Godard dit que c'est un cinéma qui souffre de ne pas avoir d'identité, en fait, il y a une idée extrêmement importante dans le néo-réalisme, c'est-à-dire que Rossellini, Visconti puis De Sica vont vouloir faire table rase. Table rase, c'est-à-dire que la priorité absolue en 44-45, c'est de refaire la société, de réinventer, de réécrire l'Italie. Et ça va choquer par moments dans le cinéma néo-réaliste. Alors, prenons par exemple Rome, ville ouverte. Alors, c'est l'histoire d'une veuve qui a déjà un fils, qui attend un enfant d'un homme qu'elle devra marier le lendemain dans l'histoire. Donc déjà, moralement, on voit la particularité de l'histoire. C'est l'histoire d'un ingénieur communiste, résistant, très impliqué dans la résistance, et d'un prêtre catholique qui va aider tout ce monde-là, qui va appuyer la cause. Et à la sortie du film, on va dire à Rossellini, mais comment est-ce possible, finalement, un prêtre catholique, des communistes? Et finalement, l'idée de Rossellini, du néo-réalisme, c'est de dire, là, pour l'instant, on n'est pas dans cette tension-là, on ne devrait pas être dans ces frictions-là, on devrait être dans une volonté d'unité, ouais, de reconstruire la société. Ouais. Michel Coulombe, André Lavoie, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce cinéma néo-réaliste italien, qui en sont les maîtres? Mais qu'est-ce que vous y voyez, les grands films du néo-réalisme, André? Ben moi, je vous dirais que pour moi, le grand film, ça demeure encore et toujours Rome, ville ouverte. Et c'est un film qui me bouleverse à chaque fois, qui m'éblouit à chaque fois. Mais la seule chose que je dirais, au fond, c'est qu'avec tous les drames qui se déroulent en ce moment, j'espère qu'au Yémen, en Irak, en Syrie, il y aura un Rossellini qui va émerger pour nous raconter toute l'horreur, ouais, que ces sociétés-là vivent en ce moment avec la même puissance que Rossellini l'a fait avec Rome, ville ouverte. Michel Coulombe. Il me vient deux images, celle d'Anna Magnani dans Bellissima, donc des gens simples qui rêvent du cinéma de Cinecittà, et donc vraiment ce qu'est le cinéma à l'époque encore pour les gens, quelque chose d'un peu inaccessible et puis qui pourrait les extraire de leur monde. Oui. Mais la fougue d'Anna Magnani. Et puis on parlait de scénarisation du voleur de bicyclette, la finale du voleur de bicyclette où un homme humilié parce que assailli par les personnes qui l'arrêtent, il a volé un vélo, et humilié donc devant son fils. Mm-hmm. Ça, c'est incroyablement écrit. Ce sont des images extrêmement fortes, effectivement, qui débordent de la langue. Là, il se passe quelque chose de très puissant, parce que ce qu'on faisait à l'époque, c'est parler aussi de cette conscience sociale qui émergeait, des gens pour qui c'était difficile oui. de survivre à l'époque. Et il y a ça chez De Sica, oui. bien sûr. En même temps, ce cinéma-là, Carlo Mandolini, d'abord, le néoréalisme, vous le disiez, va durer très peu de temps. Autant c'est un cinéma populaire dans ses thématiques, ce ne sera pas un cinéma très populaire. Non, pas du tout. Ce n'est pas un cinéma qui aura beaucoup de succès, et l'institution italienne politique n'aimera pas du tout voir ce cinéma être présenté à l'étranger et avoir du succès à l'étranger. Rome, ville ouverte a été présenté à Cannes en 46 et Otto Preminger va dire qu'il y a un avant Rome, ville ouverte et un après Rome, ville ouverte. Donc ce sera un film important pour le monde du cinéma. Mais rapidement, devant les échecs commerciaux et l'intérêt relatif de la population, le cinéma néo-réaliste va se transformer. Et Vittorio De Sica, qui va faire, à mon sens, un des très, très, très grands films, Le voleur de bicyclette, du néo-réalisme, lui va contribuer, avec Miracle à Milan, à transformer ce néo-réalisme qui va abandonner les thématiques purement politiques, purement sociales, et petit à petit va aller vers un réalisme qu'on appelait un réalisme magique, un peu plus surréaliste, ou même qu'on appellerait éventuellement un néo-réalisme rose. Et qui va amener les Fellini. Et qui va, voilà. Antonioni. Et à partir de là, quand on pense à Fellini avec La Strada, par exemple, qui est un film profondément réaliste dans son esprit, néo-réaliste dans l'esprit, mais qui va être complètement transformé par la mise en scène de Fellini. Et si j'ai peut-être une seconde, peut-être revenir sur un des extraits de Godard, où il parlait de la langue italienne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le néo-réalisme, dans cet esprit de réalisme justement, ce qu'on entend, c'est la langue romaine, c'est le dialecte romain, c'est le dialecte milanais, c'est le dialecte sicilien, qui est aussi une réponse aux volontés fascistes de Mussolini de faire une langue uniforme du nord au sud. Et donc ces accents étaient également une façon de dire non, l'Italie réelle, elle est également dans la langue d'Anna Magnani, dans la langue de Fabrizio. Etc. Et même si ça durera très peu de temps, l'empreinte sera durable. Quelle importance aura eu ce courant néo-réaliste, Michel Coulombe par exemple? On le verra un peu partout dans les autres pays d'Europe, par exemple la Nouvelle Vague. Et dans cette continuité-là, on a eu besoin, à un certain moment, de dire « il y a avant, il y a après, il y a un virage ». Et ce sera ça, le cinéma de papa chez les Français, qui va se transformer, et puis on aura la nouvelle vague. Là où Godard est un peu injuste quand même, et ce qui définit quand même l'époque, c'est que les moyens cinématographiques étaient plus lourds à l'époque. Ouais. Donc c'est pour la nouvelle vague, quand arrivent de nouveaux moyens, qu'on peut faire les choses autrement. Au Québec, on fera le cinéma direct, parce que là aussi, il y a ces moyens plus légers qui permettent de se rapprocher des gens, d'enregistrer le son, d'être effectivement en prise avec le réel de façon différente. En ça, le néo-réalisme est effectivement un signe avant-coureur de tout ce qui changera dans le monde cinématographique. Et vous nous amenez déjà, justement, sur la prochaine émission, sur les années 60, mais un mot en terminant tous les trois pour conclure sur cette décennie des années 50. Michel Coulombe, de quoi aurions-nous aussi pu parler dans cette émission? Nous aurions dû parler de Marilyn Monroe, en parler davantage, parce qu'elle est effectivement l'incarnation d'un certain cinéma américain. André Lavoie. Nous aurions dû parler d'Alfred Hitchcock, un de mes cinéastes préférés qui a atteint son apogée artistique dans les années 50. Mais à notre décharge, parce qu'il fallait faire des choix, on en avait, vous et moi, parlé une édition régulière d'Aujourd'hui l'Histoire. Carlo Mandolini. La découverte du cinéma japonais, qui va ouvrir la voie au cinéma asiatique, voilà. Merci infiniment, messieurs. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Carlo Mandolini, professeur et coordonnateur du programme Arts, Lettres et Communication au Collège André Grasset. André Lavoie, critique de cinéma au journal Le Devoir. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à la radio et à la télévision de Radio-Canada. Merci beaucoup. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Love is a traveler on the river of no return, swept on forever to be lost in the stormy sea. Willoughby. I can hear the river call.